mouchoir, un tout petit peu de brouillard pour dissimuler leur chagrin quand ils pleurent dans leurs mains. On ne saura jamais très bien pourquoi pleurent les enfants. Faudrait leur dire plus souvent ce que disent les paysans. Pleure donc pas comme ça, ça fait pleurer le bon Dieu, là là, ça fait pleurer le bon Dieu. Pleure donc pas comme ça, ça fait pleurer le bon Dieu, là là, ça fait pleurer le bon Dieu. Bon Dieu. C'est ainsi que les paysans bercent leurs enfants malheureux. C'est ce que croient les enfants en essuyant leurs grands yeux. On ne saura jamais très bien pourquoi pleurent les enfants. Faudrait leur dire plus souvent ce que disent les paysans. Pleure donc pas comme ça, ça fait pleurer le bon Dieu, là là, ça fait pleurer le bon Dieu. Pleure donc pas comme ça, ça fait pleurer le bon Dieu, là là, ça fait pleurer le bon Dieu. Bon Dieu. Depuis j'ai appris bien sûr que le bon Dieu ne pleurait pas, du moins pas aussi souvent que l'on croit. Mais chaque fois que je vois quelqu'un pleurer près de moi, je ne peux pas m'empêcher de doucement lui chanter. Pleure donc pas comme ça, ça fait pleurer le bon Dieu, là là, ça fait pleurer le bon Dieu. Pleure donc pas comme ça, ça fait pleurer le bon Dieu, là là, ça fait pleurer le bon Dieu. Pleure.